Désolément, je ne pense pas pouvoir en vivre. Personne ne vote ton fils, même en téléchargement libre. Et si le rap m'enivre, je crois que ça m'enlise. Car y'a comme un malaise que mes mots formalisent. À croire que je ne sais que geindre et gémir, avec la connerie pour se légérir. Ma fenêtre sur le monde, un entonnoir. C'est pas un nombril que j'essaie, d'un trou noir. Chacun dans son batiscaf, on se barricade. Vu que tout ce combat se casse, alors on jette des bouteilles à la mer, un coup de gueule à la recherche d'un trou d'air, d'un bout de terre à atteindre. Comme des philistins, on prend soin de les lester. On les laisse sombrer histoire de mieux se détester. Tant pis, peut-être que dans les tréfonds, les générations futures les repêcheront. Égarement, Camille, Antidoxa, 2013.